بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة كتاب تجريد التوحيد المفيد وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عند قوله فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله تعالى في الأرض ويمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها Donc on va continuer, Inch'Allah, sur la lecture de Tajrid al-Tawhid. Donc hier, on avait lu toute la partie avant cette partie que je viens de lire. Aujourd'hui, on va étudier maintenant lorsque l'auteur dit « فَشِّرْكُ بِهِ فِي الْأَفْعَالِ ». Il va parler du polythéisme concernant les actes. Concernant les actes. Et donc, hier, on avait lu toute la partie concernant, et dans l'autre assise aussi, concernant le shirk dans le domaine de la seigneurie. Dans le domaine de la seigneurie. Et donc, on avait parlé de cela jusqu'à ce qu'on avait terminé lorsque l'auteur mentionne le verset « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ». Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in en disant lorsqu'on dit iyyaka na'bud l'auteur dit fa innahu yanfi shirk al mahabbati wal ilahiyya ça contredit et réfute et nie il y a une négation du polythéisme lié à l'amour et à l'adoration et lorsqu'on dit iyyaka nasta'in fa innahu yanfi shirk al khalq wal rububiyya ça nie le polythéisme lié à la création et à la seigneurie. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et donc on avait terminé l'assise d'hier avec la mention de cela. Ensuite, pour cela, l'auteur dit, il dit, فَانْتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةِ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي الْعِبَادَةِ. Et donc il dit, c'est ce verset qu'on vient de citer, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Et ici, il y a une restriction, hein. Puisque le style en arabe, ici, yufid al-hasr. Donc, il y a vraiment une restriction. C'est-à-dire, l'affaire est restreinte à l'adoration seule, exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le style ici, dans la langue arabe employée, est très explicite. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et donc, ça, il dit, fatadhammanat, ça implique ou induit que le monothéisme, l'unicité, soit exclusivement vouée au Seigneur de cet univers. Et que cette adoration-là soit purement vouée à lui seul. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِشْرَكُ غَيْرِهِ مَعَهُ لَا فِي الْأَفْعَالِ وَلَا فِي الْأَلْفَاظِ وَلَا فِي الْإِرَادَاتِ. Et là, l'auteur maintenant vient, et là c'est l'introduction au prochain paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va essayer de comprendre. Un paragraphe très important. Ce qui arrive concernant al-shirk fil af'al. Donc il dit pour cela, pour que l'adoration soit pure, ce monothéisme soit pur pour le Seigneur des mondes. Alors, le fait de lui attribuer et assigner des associés, cela est interdit, que ce soit à travers les actes, à travers les propos ou à travers les désirs, les volontés, c'est-à-dire les intentions aussi. Donc regardez, l'auteur ici, il a mentionné trois choses. Al-af'al, wal-alfaz, wa al-iradat. Wal-iradat. Donc trois choses. Ça veut dire que le polythéisme peut se produire à travers les propos, les actes et les iradat. Et les désirs. Les volontés. Dans les intentions. Et donc là, il y a une immense portée d'attention pour le musulman, pour la musulmane, qui veut justement que son culte, que son adoration, ses adorations soient exclusivement vouées à son créateur, Rabbul Alamin, à son Seigneur, qui est unique et seul, qui n'a pas besoin d'associer et qui n'a point de partenaire et d'associé. Alors le musulman ici, comme fait cette portée d'attention l'auteur, va ici préserver ses propos, ses actions et ses iradat de toute forme de polythéisme. Donc on voit que le polythéisme, il peut être à travers les propos. C'est pour ça qu'on appelle ça shirk fil alfaz ou l'af'al ou bien fi al-iradat, al-iradat. C'est pour cela que souvent les savants, lorsqu'ils parlent de l'unicité, l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans al-ilahiyya, dans l'adoration, ils disent que l'unicité dans la seigneurie et donc le shirk qui sera lié à la seigneurie, le shirk qui sera lié à la seigneurie, et on a mentionné des exemples dans ce qui a précédé, de ce fait, ils nomment l'unicité tawhid al-rububiyya et ils disent c'est tawhid al-i'tiqadi. Ou tawhid al-uluhiyya, ils disent c'est tawhid al-amali. Al-amali. Pourquoi? Parce que dans l'ubudi al-uluhiyya, c'est les actes des hommes. C'est l'unicité d'Allah, mais à travers les actes de ses serviteurs. C'est-à-dire que les serviteurs vont reconnaître l'unicité de l'adoration en ne vouant adoration qu'à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lié aux actes des serviteurs. Wa rububiyya, c'est lié au af'al, af'alillahi azza wa jal, aux actes d'Allah azza wa jal. Et donc c'est une conviction, c'est atiqadi, du serviteur de croire en cela, en l'unicité de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est très pertinent lorsque l'auteur ici fait cette portée d'attention que les formes de polythéisme, que ce qu'elles soient à travers les actes ou bien à travers les propos ou à travers al-iradat, que hadhihi la tajouz, que celles-ci ne sont point permises. Et il va commencer maintenant, regardez, il va commencer maintenant par al-shirk fi, al-shirk bihi fi al-af'al, par le polythéisme lié aux actes. Le polythéisme lié aux actes. Et il donne des exemples en disant, c'est comme le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il dit, comme le fait de faire at-tawaf, la circumambulation autour d'une autre maison que celle qui est sacrée à la Mecque. Ou bien il dit, le fait de se... Donc là, on le traduit littéralement, hein. Ensuite on va expliquer. Là, ce passage-là demande explication. Demande des explications. Ou bien il dit, le fait de se raser la tête par adoration et dévotion et soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien le fait d'embrasser la pierre noire. Taqbil al-ahjar, ghayr al-hajar al-aswad. Ou bien le fait d'embrasser une autre pierre que celle qui est la pierre noire, qui est considérée comme la droite de notre créateur sur terre. Je vous traduis littéralement, ensuite on revient sur le détail de cela. Ou bien taqbil al-qubur wa istilamiha wa sujudi laha. Ou bien embrasser les tombes, ou bien les essuyer wa sujudi laha, ou bien se prosterner pour celle-ci. Tout cela, ce sont des actes. Si ces actions-là sont vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de les citer, l'auteur a cité se prosterner pour un autre que lui, c'est du polythéisme. Ou bien faire la circumambulation autour d'une autre maison que celle qui est antique et sacrée, à la Mecque, c'est du polythéisme. Ou bien le fait de se raser la tête par adoration, dévotion et vénération pour un autre qu'Allah, c'est du polythéisme. C'est ça ce que l'auteur veut dire. Ou bien taqbil al-ahjar ghayr al-hajar al-aswad alladhi huwa yaminuhu ta'ala fil ard, ou taqbil al-qubur wa istilamiha wa sujudi laha. Comme on vient de citer ces exemples. Donc maintenant on va prendre chaque exemple qui a été cité, et essayer de mieux comprendre. Parce que l'auteur n'a pas cité cela en vain, pour avoir une bonne conception du sujet. D'abord, lorsque l'auteur dit فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات لا في الأفعال كالذبح والنذر والركوع والسجود وغير ذلك من العبادات الفعلية كلها لله سبحانه وتعالى. Donc avant d'avoir cité ces adorations de manière précise, l'auteur a cité de manière générale comme on l'a bien explicité dans ce qui a précédé. Que le polythéisme peut se faire à travers les actes, les paroles ou bien les volontés. Donc toute adoration, maintenant on parle des actions, d'al-af'al, toute adoration, toute action qui est considérée comme adoration, elle ne doit être vouée que pour le créateur. Ça c'est la croyance du musulman et de la musulmane. Comme par exemple, à titre d'exemple, parmi les adorations, le fait de sacrifier une bête, d'immoler, le fait de faire des vœux, le fait de s'incliner, le fait de se prosterner, tout cela, ce sont des adorations qu'on appelle corporelles, liées au corps. Liées, on peut dire, al-fi'liya, al-badaniya. Al-badaniya, on peut dire aussi. Fakulluha lillah. Toutes ces actions ne doivent être vouées que pour notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Wala fi l'ibadat al-qawliya, kad-du'a. Mais on sait, on a des adorations qui sont des adorations liées aux propos, liées à la langue, aux paroles. Comme par exemple, ad-du'a, l'invocation, implorer notre Créateur, lui demander pardon, le supplier. Ça, c'est des adorations qui sont liées aux propos. Kazikr wa ghayri dhalik, l'évocation d'Allah, le faire de façon dhikr, de la journée par exemple, ce sont des adorations liées aux propos. Wa mimma yajri ala lisan, wa kadhalik al-ibadat al-qalbiyyati kal-khawf wal-raghba wal-raja'i wal-rahba wal-maqasid fi al-ibadat wal-niyat. Et aussi, on a des adorations du cœur, pardon, du cœur. Des adorations qui sont du cœur. Comme la peur, la crainte révérentielle, par exemple. L'espoir en notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Les bonnes intentions. Tout cela, ce sont des actions du cœur. Donc, vous avez vu, les adorations, c'est pas juste des actes. Ça peut être des actes des corps, le badaniya, ça peut être des actes du cœur, ça peut être des paroles. Al-ibadat al-muhim bi-ikhtisar al-ibadat mutanawwi'a. Les adorations, pour résumer, c'est mutanawwi'a. Elles varient en genre. Celles-ci. Fakulluha yajib an takuna lillah. Fal-ibadat al-amaliyya allati 'ala al-badan wal-ibadat al-qawliyya allati takun bil-lisan wal-ibadat al-qalbiyyati fi an-niyyat wal-ibadat fi al-qalb. كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك فالعبادات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة إما بدنية إما لسانية وإما قلبية. Et là on peut résumer avec la parole de l'auteur de Ifadatul Mustafid, donc c'est la parole du Cheikh, hein, Ifadatul Mustafid, qui dit que on peut résumer que les adorations varient en genre, soit c'est une adoration qu'on appelle badaniya, corporelle, premièrement. Deuxièmement, soit c'est une adoration lisaniya, comme il l'appelle, le shir, liée à la langue, ou soit c'est une adoration liée au cœur. Ça, je le stipule bien, on stipule bien, avant qu'on traite le sujet de ce qui va suivre. Pourquoi ? Parce que ça, c'est très important. C'est une notion essentielle pour comprendre ensuite ce qui va venir. Alors ensuite, l'auteur maintenant donne des exemples. L'auteur lui-même, là on était dans l'explication. L'auteur maintenant donne des exemples. Le premier exemple qu'il va donner, il cite comme exemple le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La prosternation est une adoration. Le croyant n'a pas le droit de se prosterner pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que la prosternation, elle est accomplie pour celui que le croyant vénère. Nu'azzim Allah azza wa jal wa nasjudu lahu ta'ziman wa ibadatan wa mahabbatan lahu. Donc nous, on se prosterne pour notre Créateur parce que c'est une adoration. Et du fait qu'on vénère notre Créateur, du fait qu'on l'adore, et du fait qu'on lui voue un amour d'adoration, comme on l'a dit, un amour d'adoration, notre prosternation n'est vouée qu'à lui. Elle n'est que pour notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne se prosterne pas pour un autre que notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, l'auteur cite « At-tawaf bi ghayri baytihi al-muharram ». Donc la question de la prosternation, elle est claire. Ensuite, le deuxième exemple que l'auteur cite, c'est At-Tawaf, la circonvolution autour de la maison sacrée. Donc ce sont les tours qu'on fait lorsque, que ce soit pour un petit pèlerinage, ou bien lorsqu'on doit le faire aussi, par exemple, Tawaf al-Ifada, lors du grand pèlerinage. On a différents tawaf dans le centre, au niveau de l'intention. On a un tawaf qu'on appelle tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Lorsqu'on a quitté, on a fini une umrah, on va quitter la Mecque, on fait un tawaf qu'on appelle tawaf de au revoir. Tawaf de au revoir. Mais aussi, on peut faire un tawaf surrogatoire, sans qu'il soit lié à un petit pèlerinage, à une umrah, ou bien un grand pèlerinage. Le tawaf, le grand pèlerinage, on stipule le tawaf al-ifada, par exemple. Par exemple, lorsque on rentre dans la maison sacrée, à proximité de la Kaaba, on peut faire bénévolement, surrogatoire, d'une manière surrogatoire, un tawaf. Et la récompense, elle est immense. La récompense, elle est immense. At-tawaf, c'est une adoration qu'Allah, Jalla wa Ala, a légiférée. Et cette adoration qu'Allah a légiférée, elle se fait, elle est liée à la maison antique, à la maison sacrée, Al-Kaaba. Elle est liée à Al-Kaaba. Pour cela, elle est considérée, le tawaf est considéré comme une adoration. Dans les récits, elle est même comparée à prière. Dans les récits, elle est même comparée à la prière, c'est-à-dire le tawaf, la circumambulation. Le tawaf est comparé à la prière. فالطواف عبادة ولا يشرع إلا بالكعبة المشرفة. Pour cela, celle-ci n'est légiférée que autour de la Kaaba. ولا يجوز أن يطاف بالقبور وبالمقامات وبالأمكنة والآثار التي ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين. Et donc, de ce fait, ces pratiques-là, qui sont présentes, qui sont existantes jusqu'à aujourd'hui dans certains pays musulmans, où il est coutume pour ceux qui vénèrent les tombes des vertueux, les tombes des vertueux, de faire tawaf. Il y en a autour de la tombe d'un homme qui vénère, d'un défunt qui vénère. Sawan kana min as-salihin ou min at-talihin. Que ce soit un homme qui était véritablement pieux ou bien un homme qui était à l'inverse, qui ne faisait pas partie des pieux. Loin de la piété et de la dévotion. C'est pour ça que les savants disent qu'en réalité, les tombes qui sont adorées, ou fut édifiées sur ces tombes des sortes de coupoles et mausolées, ces mausolées autour où s'accomplit At-Tawaf, par exemple, parmi les adorations qui sont faites, parfois, ça renferme un homme, un défunt, qui était vraiment Minat Salihin, parmi les pieux, mais parfois en dessous, c'était pas un pieux. Et c'était l'inverse. Et certains même disent que c'était plus des gens qui étaient comparables à des diables humains. Et parfois, il n'y a rien. Parfois, vous allez voir, dans certains pays, il y a des tombes qui sont adorées, avec l'édifice de certains mausolées et coupoles, et pris comme lieu de prière, masajid, et le sujet va venir juste après ce paragraphe qu'on va étudier, au niveau de certaines adorations qui ont été citées, on va apprendre le sujet concernant les tombes. Et donc, alors vous pouvez trouver des tombes qui sont des lieux d'adoration et des lieux de prière, au fait tirad hadil al-qubur utukhidat masajid, elles ont été prises comme lieu de prière. Alors elles abritent parfois un homme pieux, parfois un homme qui est à l'inverse de la piété, parfois rien. Il n'y a rien en réalité. C'est avec l'histoire, avec les légendes et les générations qui se sont succédées, les gens pensent que cette tombe là, ce mausolée là, cet édifice là abrite un défunt qui était pieux ou autre. Alors qu'en réalité, parfois, il n'y a rien en dessous. Et parfois, c'est un animal. Il est rapporté, parfois, ils ont trouvé, c'est un himar. C'était un âne enterré à l'endroit. Donc, parfois, alors les gens, ils vénèrent un endroit, ils vénèrent une tombe, alors que l'occupant de cette tombe, parfois, c'était peut-être un vertueux, parfois non, c'est à l'inverse, un diable, et ils attendaient chez Artein. Parfois, rien. La tombe abrite personne. Et parfois, c'est un animal. C'est un animal. Quoi qu'il en soit, pour les savants, que l'adoration soit dirigée et orientée vers un homme pieux ou vers un shaitan, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est du polythéisme. Les savants disent la différence, elle est auprès d'Allah Azzawajal. C'est que l'homme pieux est aimé auprès d'Allah Azzawajal et a une place auprès du Créateur, et le shayatin à l'inverse. Mais sinon, au niveau de l'adoration qui est orientée vers ce lieu, qui abrite soit force, peut-être un homme qui était véritablement pieux, vertueux, ou bien un shaitan, ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que l'adoration d'un ange, ou bien d'un prophète, ou bien d'un messager, ou bien d'un pieux ou autre, c'est considéré comme du polythéisme. Et le musulman, lui, suit les prophètes et les messagers qui nous enseignent comment adorer le Créateur et le Maître de ces prophètes et ces messagers. Donc autour de ces mausolées, parfois c'est un tawaf. Mais ce n'est pas que de tawaf. En faisant de tawaf, ils appellent l'occupant de la tombe. Et lorsqu'ils font de tawaf, justement, autour du mausolée, vous entendez les gens ensuite qui vont invoquer l'occupant de cette tombe. Et c'est courant chez ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Ils vont commencer à invoquer en faisant leurs invocations, en l'implorant, en le suppliant, en faisant leurs requêtes et leurs demandes pour l'occupant de cette tombe. Et donc, c'est pour cela que cela est strictement interdit dans notre religion. فَلَا يُشْرَعْ أَوْ فَلَمْ يَشْرَعْ اللَّهُ الطَّوَافَ إِلَّا بِبَيْتِ الْعَتِيقِ فَإِذَا كَانَ الطَّائِفَ يَتَقَرَّبْ بِهَذَا الطَّوَافِ إلى غير الله كأن يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر وإن كان ينوي الطواف لله ولكنه يؤديه بهذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف به فهذا بدعة لأن الله لم يشرع الطواف إلا ببيت العتيق ولا يطاف بغيره من أي مكان. Et là, ce que va dire l'auteur de Ifadat al-Mustafid, c'est une immense faïda. Immense faïda. Cheikh, il dit, c'est pour cela. Pourquoi, la raison pourquoi la circumambulation, le fait de tourner autour d'un autre lieu que la maison sacrée, pourquoi cela est considéré comme du polythéisme ? Parce que toutes ces œuvres qu'a cité l'auteur ici, à titre d'exemple, que ce soit le tawaf, ou que ce soit, comme on va voir, le fait de se raser la tête par adoration, on va y venir, on va l'expliciter. Tout cela, ce sont des actions qu'on fait « taqarruban ilallahi azza wa jalla » pour se rapprocher d'Allah. Donc toute œuvre qu'on fait pour se rapprocher du Créateur, alors celle-ci ne doit être vouée qu'à lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que At-Tawaf, c'est une œuvre qu'on fait pour se rapprocher du Créateur. Qu'on en connaisse la sagesse, comme on avait stipulé, ou bien qu'on en ignore la sagesse. Mais on le fait pour se rapprocher du Créateur. Dans ce sens-là, elle doit, c'est pour ça que At-Tawaf ne se fait, et Allah l'a légiféré. Notre Créateur, qui nous appelle à l'adorer, à légiférer cette action comme une adoration par laquelle on s'approche et se rapproche de lui. Si maintenant, comment juge-t-on un tawaf qui a été fait dans un autre lieu ? Celui qui s'adonne à une telle pratique, dans un autre lieu, il va faire un tawaf. Les savants disent, le fait de faire tawaf dans un autre lieu, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Sauf que, le jugement diffère. C'est du polythéisme. Si celui qui fait cela, lui, il tourne autour de la tombe pour se rapprocher de l'occupant de cette tombe, il tourne autour du mausolée et lui, يريد أن يتقرب إلى صاحب القبر. Si c'est ça son intention, فهذا شرك أكبر. S'il fait cela pour se rapprocher, يريد التقرب إلى صاحب القبر, فهذا شرك أكبر. C'est un grand polythéisme. S'il fait ça par vénération, par adoration, et lui veut se rapprocher de l'occupant de la tombe, hada shirkun akbar. Par contre, si la niya est autre, il peut y avoir une autre niya. Certains qui font tawaf autour d'une tombe n'ont pas forcément l'intention d'adorer sahib al-qabr. C'est pas forcément ça leur intention. Mais eux pensent qu'ils adorent Allah de cette manière. Eux, ils veulent yataqarrab ila Allah Azza wa Jal de cette manière. Donc le but, eux, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pas de se reprocher, de se rapprocher de l'occupant de la tombe. Ou pas de se rapprocher du wali. Pas de vénérer et d'adorer le wali, mais ils veulent adorer Allah Azza wa Jal en ce lieu. En ce lieu-là. C'est pour ça que vous allez trouver certaines fatwas de grands savants, lorsque cette question leur est posée concernant At-Tawaf Hawla Al-Qubur, alors, Fiya Tafsil, certains savants détaillent concernant la série à l'attention. كما قال المصنف أو الشارح ولكنه يؤدي بهذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف به فهذه بدعة أو فهذا بدعة. Et dit ça c'est une innovation donc. Celui qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, par cela c'est une bidah, une innovation. لأن الله لم يشرع الطواف إلا ببيت العتيق. Parce qu'Allah n'a pas légiféré le tawaf, si ce n'est autour de la maison antique et sacrée. ولا يطاف بغيره من أي مكان. Et donc, on n'a pas le droit, le musulman et la musulmane n'ont pas le droit de tourner autour d'un autre lieu que celui qui a été légiféré par notre créateur, Bayt al-Atir, la maison sacrée à la Mecque. C'est pour ça ce qu'il faut considérer lorsqu'on va étudier le domaine des tombes. C'est le sujet prochain qui vient. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité Al-La'na, a maudit ceux qui prennent comme mosquée Al-Qubur, les tombes comme mosquée, littéralement, dans le hadith, les tombes comme mosquée. Là, les savants, certains savants de l'explication, ils disent qu'il faut comprendre sous, il y a deux choses à comprendre, il y a deux sens à comprendre. Déjà, Al-Larna, on a compris, souvent expliqué par les savants, c'est le fait que celui qui s'adonne à cela est éloigné, c'est At-Tard ou Al-Ibad, de la miséricorde d'Allah. C'est le fait d'être écarté, éloigné, expulsé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la malédiction. D'être éloigné de la miséricorde d'Allah, c'est l'une des plus, c'est la plus grande perte. Celui qui est éloigné, écarté, privé de la miséricorde d'Allah, c'est la plus grande punition. Et donc c'est pour ça que les savants considèrent que lorsqu'il y a le terme al-larn, la malédiction, ils considèrent que ça fait partie des péchés capitaux. Que c'est strictement interdit. Ça fait partie des al-kabair, des péchés capitaux. Pourquoi ? Ils disent donc qu'il y a deux choses à considérer lorsqu'on prend une tombe comme mosquée. Mosquée littéralement, sinon c'est lieu d'adoration. Masajid, lieu de prière. Lieu de prière. Certains qui font cela, c'est pas parce qu'ils vont adorer l'occupant de la tombe. C'est pas par vénération de l'occupant de la tombe. Mais eux pensent que l'endroit, le cimetière ou la tombe, c'est propice. C'est propice à l'adoration d'Allah, pour adorer Allah Azza wa Jal. Ils pensent que l'endroit, il est mubarak, qu'il y a une bénédiction, que c'est propice, que c'est meilleur de prier à cet endroit et d'invoquer Allah Azza wa Jal à cet endroit. Donc il y en a, lorsqu'ils prennent et tachidouna al-qubur masajid, bimarna yataharra. يَتَحَرَّ هَذَا الْمَكَانِ لِلْتَقَرُّبِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Allah n'a pas légiféré cela. Et donc c'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Et deuxième sens aussi, les savants disent, on rajoute à cela, ça comprend aussi Al-Bina. Et donc ils disent تَحَرِّي الْمَكَانِ وَالْبِنَا عَلَى الْقَبْرِ فِيَا الْلَعْنَ فِيَا الْلَعْنَ. Comme on verra dans ce qui va suivre. Noircil, ensuite l'auteur dit, et le fait de se raser la tête. Là maintenant l'auteur parle du rasage de la tête. Et là l'auteur donc fait allusion à l'adoration, parce que lorsqu'on le fait pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, par vénération et par amour de notre Créateur et par soumission à lui, c'est une adoration. Ce qu'on fait à la fin du pèlerinage, lorsque le pèlerin, que ce soit dans le petit pèlerinage à la Umrah, ou bien que ce soit pour le grand pèlerinage, lorsqu'on veut sortir de l'état de sacralité, lorsqu'on a fini notre pèlerinage, pour sortir de l'état de sacralité, il faut se raser les cheveux ou bien se raccourcir les cheveux, se couper les cheveux. Donc cela a été légiféré, taqarruban ila Allah azza wa jalla. Ça a été légiféré, le fait de se raser la tête à ce moment bien précis pour se rapprocher du Créateur et par adoration au Créateur. Regardez, c'est pour ça que l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Wa halqi ar-ra'si 'ubudiyatan wa khudu'an li ghayrihi. » Cet acte, à la base, les hommes ont droit, les hommes, les êtres humains ont droit de se couper les cheveux. Donc il y a un moment, c'est pas une adoration. Les hommes peuvent se couper les cheveux, se raser les cheveux, il n'y a pas d'interdiction en cela. Mais à un moment précis, comme par exemple pour le pèlerinage, où selon l'intention, ça peut être une adoration, par laquelle on se rapproche du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est fait par soumission, et par adoration et dévotion et vénération, pour un autre que le Créateur, alors ça devient du shirk. Ça devient du polythéisme. Comme par exemple, si on admet dans un exemple qu'un disciple, un adepte, vénère tellement son shir, alors par soumission pour lui, il va se raser la tête. Comme c'est fait, c'est pratiqué. Comme c'est fait, c'est pratiqué. À ce moment-là, l'auteur veut enseigner que si le musulman fait cela pour un autre qu'Allah, « Ubudiyatan wa khudu'an li ghayrillahi jalla wa ala fa hadha shirk » Ça, c'est du polythéisme. Donc vous comprenez la nuance lorsqu'une action qui fait partie de l'hadat, il y a des actions qui font partie de la vie, mais parfois, selon l'intention, ça peut devenir une adoration. Surtout lorsque la chose, on l'a fait par dévotion, vénération, adoration, soumission pour celui à qui on voue cela. Ensuite, il dit, c'est pour ça dans l'explication de cela, il est dit, فَإِذَا حَلَقْتَهُ لِأَجْلِ التَّخَلُّصِ مِنَ الْأَذَى وَمِنَ الْقَمْلِ وَمِنَ الْأَوْسَخِ وَأَنْ تَسْلَمْ مِنْ كُلْفِ تَغْذِيَةِ الرَّاسِ فَهَذَا مُبَاحٌ فَهَذَا مُبَاحٌ. Et pour ça, les savants, ils disent le fait de se raser la tête. Si, par exemple, c'est pour te débarrasser d'un préjudice et d'un tort, comme par exemple celui qui a des poux, ou par exemple celui qui a les cheveux sales, et il veut se débarrasser de cela, de ses souillures, de ses saletés, ou bien c'est une personne qui a des poux, il a du mal à s'en débarrasser de ses poux. Alors là, c'est permis pour lui de se raser la tête. Il n'y a pas d'interdiction de se couper les cheveux ou bien de se raser la tête. لكن إذا حلقت أو قصرته من أجل النسك والتعبد فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. Par contre, lorsque tu te rases la tête par rite, lorsque c'est un rite, comme pour le pèlerinage, par exemple, lorsque c'est un rite, ou bien ta'abboud, de manière adoration, alors cela doit être voué qu'au Créateur. Donc vous comprenez bien là la nuance, pour pas qu'une personne comprenne s'il se coupe les cheveux et il est tombé dans une forme de polythéisme. C'est pas du tout ça qui est dit, de bien comprendre la nuance. Et là on comprend bien le hadith du prophète lorsqu'il est dit « Innal a'mal bin niyat » Les actes valent selon leurs intentions. On voit qu'avec l'attention, on voit, les actions, le statut de l'action peut varier. Et pour ça, les savants disent, donc de ce fait, lorsque c'est un rite et c'est fait par adoration, on ne doit pas se raser les cheveux, par exemple, pour l'occupant d'une tombe, pour un défunt, pour un maître, ou autre. Ensuite, taqbil al-ahjar. Et pour ça, les savants, ils disent, et là, ils stipulent bien, parce qu'il y en a beaucoup qui rasent leur tête pour leur idole. Pour leurs idoles. Wa taqbil al-ahjar. أي تقبيل الأحجار تبركا بها وهذا نوع من العبادة لأن البركة من الله وحده وهي فيما جعله الله مباركا. Ensuite, l'auteur cite comme exemple le fait d'embrasser une pierre autre que la pierre noire. Là aussi, on arrive à un grand sujet. Le fait d'embrasser une pierre autre que la pierre noire. Alors, قال غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. الله لم يشرع لنا تقبيل الحجر أو بناء أو غيره إلى الحجر الأسود لأنه من مشاعر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم استلامه وقبله عبادة لله وليس عبادة للحجر. Le fait d'embrasser une pierre ou un monument ou un rocher autre que la pierre noire, c'est pas légiféré. Allah n'a pas légiféré cela. Mais notre Créateur a légiféré d'embrasser et de toucher la pierre noire. Cette pierre noire, c'est celle qui se trouve à la Mecque, à la maison sacrée, Al-Kaaba. Donc il est légiféré, Allah Azza wa Jal, nous a légiféré le fait de l'embrasser, cette pierre noire. Donc cette pierre noire, on l'embrasse par adoration. Par adoration, dévotion et soumission à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a légiféré. Par contre, est-ce que pour autant, il nous est légiféré d'embrasser, par exemple, un endroit précis ? Une autre pierre ? Non. Une tombe ? Non. Même si c'est un prophète qui est enterré ou un pieu, on n'embrasse pas le lieu. On n'embrasse pas le lieu. Ce qui nous est légiféré, c'est d'embrasser la pierre noire. Et de ce fait, on le fait aussi par adoration d'Allah Azza wa Jal et en suivant le messager d'Allah, qui est le Qudwa ou l'Uswa. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a embrassé, la pierre noire. Il a embrassé la pierre noire. Et comme il est rapporté dans le Athar de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, qui disait « Certes, je sais que tu n'es qu'une pierre, en s'adressant à la pierre noire. Je sais que tu n'es qu'une pierre. Ni tu peux rapporter de bien, ni tu peux ramener le mal. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Donc, embrasser la pierre noire, c'est parce que c'est légiféré et parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a embrassé. Et donc, on suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, le musulman, la musulmane, lorsqu'il visite la maison sacrée et ils embrassent la pierre noire, on n'a pas de conviction que la pierre noire peut tajlib al-khayr, ou tadur, ou tanfa'. Alladhi yanfa'u huwa Allah. Celui qui ramène le bien, qui fait le bien, qui a la cause du bien et créateur de ce bien, c'est Allah Azza wa Jal. Donc la pierre, la tanfa'u wa la tadur. On n'a pas la conviction qu'elle peut ramener du bien ou rapporter le mal. On n'a pas cette conviction-là. On sait que tout provient d'Allah Azza wa Jal. Par contre, on l'embrasse parce qu'il nous a été légiféré de l'embrasser. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a embrassé. Mais on n'a pas de conviction sur le fait que la pierre en elle-même, elle peut te ramener du mal. Elle peut être cause de profit ou autre. Par contre, dans des textes, il est dit que le jour de la rétribution, la pierre noire aura une langue qui témoignera pour tous ceux qui l'ont touchée et embrassée. Elle témoignera. C'est vrai que ce hadith a causé problème à beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont lu, pris connaissance de ce récit, la compréhension de ce récit leur a posé problème. Comment sera ressuscité cette pierre noire, cette pierre ? Ensuite, elle aura une lisane, yom al-qiyama, une langue, elle témoignera en faveur de tous ceux qui l'ont touchée, embrassée. Ajib. Mais le croyant, pour lui, ce n'est pas étonnant. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Allah, s'il veut le faire, nataq, prononcer cette pierre qu'elle témoigne, c'est pas difficile pour notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui a une bonne croyance, pour lui, ce hadith ne occasionne aucune incompréhension. Si Allah a légiféré cela. Et l'auteur ensuite, au sujet de la pierre, il dit, alors il n'est pas permis d'embrasser une autre pierre que la pierre noire, al-hajar al-aswad. Par contre, regardez ce qu'il dit. Alladhi huwa yaminuhu ta'ala fil ard. Cette pierre noire, comme il est dit ici, certains savants rapportent cela, qui est considérée comme la droite d'Allah sur terre. Qui est considérée, je vous le traduis littéralement. Cette pierre noire qui est considérée comme la droite d'Allah sur terre. À la base, l'auteur, ici, lorsqu'il cite cela, il fait référence à un hadith. C'est un hadith attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, ou dont fait allusion l'auteur. Dans un récit, il est attribué au prophète qui leur a dit « Al-hajarul aswad yaminullah fil ard. » Al-hajarul aswad yaminullah fil ard. Là, dans le récit, littéralement, une traduction littérale, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La pierre noire, c'est la droite d'Allah sur terre. » Et ce récit, il est mentionné dans le kitab Al-Kamil d'Ibn Adi. Et il est mentionné aussi dans Tarikh Baghdad. Mais les spécialistes dans le domaine s'accordent pour dire que le hadith n'est pas authentique. S'accordent pour dire que le hadith, la yathbut, il n'est pas authentique. Ça, c'est connu chez les grands savants et spécialistes, les grands traditionnistes. Pourquoi ? Parce que dans la chaîne de transmission, ils disent qu'il y a un homme qui s'appelait Ishaq ibn Bishr al-Kahili. Et cet homme-là qui est dans la chaîne de transmission, il a été accusé de forger des récits et d'inventer des récits. C'est pour ça que les spécialistes en la matière disent que le récit la yathbut. Et c'est pour cela que Wafi Silsila Daifa, il est dans Silsila Daifa. Par contre, il y a un athar qui est attribué à Abdallah ibn Abbas. Par contre, il y a un athar, un récit qui est attribué aux compagnons. Et donc, qui remonte aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais, donc, ça remonte aux compagnons, mais pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour le prophète, comme on l'a dit précédemment, la chaîne de transmission n'est pas authentique. Chez beaucoup de spécialistes. Si ce n'est l'ensemble des spécialistes. Par contre, il y a une parole attribuée à Abdallah ibn Abbas. Ou Abdallah ibn Abbas, il est dit, qu'il est rapporté, qu'il dit « Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ard. Faman safahahu wa qabbala, faka'annama safahallah wa qabbala yamina. » Ça, c'est rapporté d'Abdallah ibn Abbas. Je vous traduis de manière littérale. Abdallah ibn Abbas, il est rapporté qu'il dit la pierre noire, c'est la droite d'Allah sur terre. Celui qui la serre, safaha, qui la serre, ou bien qui l'embrasse, faka'annama safaha Allah. C'est comme si qu'il a serré celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il a embrassé sa droite. Ou bien qu'il a embrassé sa droite. Kama qila fi الأثر المشهور عن عبد الله بن عباس وقيل إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومن تدبر لفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبر. Et là, je vais vous prendre comme c'est un passage subtil, il faut bien comprendre ce récit qui nous est rapporté de Abdallah ibn Abbas, je vais vous prendre une explication à cela de savants. Des savants disent que dans l'explication et la compréhension de l'Athar de Abdallah ibn Abbas, il n'y a pas de problème de compréhension, de difficulté de compréhension, ou quelque chose d'équivoque, qui peut porter à confusion, pour celui qui médite bien. Par contre, celui qui ne médite pas, les choses, ça peut être confus pour lui. Ça peut être confus pour lui. Ici, ce qu'ils font comprendre, c'est qu'il est dit dans le Hassan de Abdallah ibn Abbas. Et les savants disent, on l'a dit hein, concernant le hadith qui remonterait jusqu'au prophète, qui n'est pas authentique. Mais ils disent, dans le cas, on admet qu'il soit authentique, il est dit « fil ard » sur terre. Que c'est la droite d'Allah sur terre. Donc à partir du moment, et ça il faut bien le prendre en considération, à partir du moment qu'il est dit sur terre, et comme c'est rapporté dans la Hassan de Abdallah ibn Abbas, c'est-à-dire que c'est muqayyad. Là, c'est muqayyad. Et ce n'est pas mutlaq. Et ce n'est pas mutlaq. Mutlaq, ça veut dire que ça sera absolu. S'il serait dit que la pierre noire, c'est la droite du Créateur, là, c'est absolu. Mais là, il est dit sur terre. Donc lorsque c'est absolu, muqayyad, c'est lié à quelque chose. Muqayyad, ça veut dire quelque chose est conditionné, elle est liée à quelque chose. Ici, il est dit, c'est la droite d'Allah sur terre. Ça veut dire que c'est pas absolu. Ça reste lié sur terre. قال العلماء فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. Et donc, Abdallah ibn Abbas l'a pas dit d'une manière absolue que c'est la droite d'Allah. Qu'est-ce qu'on comprend lorsque c'est pas cité de manière absolue? On comprend donc que c'est pas la droite d'Allah. Mais c'est cité d'une manière muqayyad, comme il est dit. فقال العلماء وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. Ça, c'est une règle. Et le jugement d'une chose lorsqu'elle est citée d'une manière liée et conditionnée n'est pas comme lorsqu'elle est citée d'une manière absolue. Comme ça qu'on traduit le mutlaq, de manière absolue. لذلك قالوا ثم قال. C'est pour cela que, ensuite dans le athar, Abdallah ibn Abbas, regardez ce qu'il dit. فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهُ وَقَبَّلَ يَمِينَ. Donc celui qui va serrer ou bien embrasser, c'est comme si qu'il a serré ou bien embrassé la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله عز وجل. Et là, les savants, pour cela, ils stipulent une chose très importante. On ne tire pas de cette parole-là de Abdallah ibn Abbas et du récit dans l'hypothèse où il serait authentique. Dans l'hypothèse, hein, mais il n'est pas authentique. Chez les spécialistes. On ne comprend pas de cela que la pierre noire est un attribut d'Allah. Et là, des savants disent, personne ne l'a dit. Parmi les grands savants de renommée et reconnue, personne n'a stipulé que la pierre noire serait un sifat, un attribut. On ne comprend pas dans ce sens-là. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Mais, قالوا, كما هو معلوم عند كل عاقل. Comme les savants disent, comme c'est connu chez toute personne douée de raison, toute personne raisonnable. قالوا, ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء. فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بل لابد من أن يبين لهم ما يتقون فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. Et là, les savants disent une parole très pertinente et vous trouvez que ce que je suis en train de vous naqal, ce que je suis en train de vous lire, c'est le fatwa fait majma al-fatawa, Sheikh Issam Taymiyyah. C'est l'explication de Taymiyyah. Et il dit, donc toute personne douée de raison, il va comprendre. Allah, par exemple, nous a mis une maison. La maison sacrée pour tourner autour d'elle. On a la Mecque, et dans la Mecque, il y a Al-Ka'ba, à la Mecque. Et on tourne autour de cette maison. On tourne de cette maison. كما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه. Et comme Allah Azza wa Jal a mis cette maison autour de laquelle on fait le tawaf, Allah a mis la pierre il a mis quelque chose qu'on essuie, qu'on touche et qu'on peut embrasser. Et cela pour nous honorer. C'est un honneur pour nous de pouvoir faire cela. فجعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء. تقبيل يد العظماء. فإن ذلك تقريب أو تقريب للمقبل وتكريم له. تكريم له كما جرت العادة. والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بل لابد من أن يبين لهم ما يتفقون وما يتقون فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. وقال ابن القيم في بيان وجوه بطلان القول بالمجازي في اللغة. اتفضل. Thank you. إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة Donc pour terminer, l'explication de ce récit, de cette parole de Abdallah ibn Abbas, dans la parole de Cheikh Islam, j'ai oublié une phrase. Justement, c'est une phrase qui est déterminante. Déterminante dans la compréhension de cela. C'est lorsque il est dit dans l'explication cette phrase-là. فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهُ وَقَبَّلَ يَمِينَ dans le Hassar d'Abdallah ibn Abbas. Il dit, écoutez bien la phrase, « Anna ma'loum, ou wa ma'loumun, anna al-mushabbaha ghayru al-mushabbaha bih. » Je vous le répète, « Wa ma'loumun, anna al-mushabbaha ghayru al-mushabbaha bih. » Bimarna. Et là, c'est le résumé de la compréhension est dans cette phrase. C'est dans cette phrase qu'il faut comprendre le cœur de la parole du shir, dans son explication. Il veut dire, du fait que donc on a vu que c'est lié, c'est pas cité d'une manière absolue, la droite du Créateur, la droite d'Allah, c'est pas cité d'une manière absolue, mais c'est cité d'une manière conditionnelle et liée, sur terre. Qu'est-ce qu'on comprend? Quand c'est pas absolu, donc les servants ils ont dit, on peut pas dire que c'est sifatullah, c'est un attribut d'Allah Azzawajal. Dans le sens, ici, al-mushabba, le comparé n'est pas par quoi il a été comparé. On comprend ici, wa ma'loum, ce qui est connu, du fait que ce n'est pas cité de manière absolue, que le comparé n'est pas ce par quoi il a été comparé. Littéralement, je vous le traduis littéralement. Que le comparé n'est pas ce par quoi il a été comparé. Anna al-mushabba, c'est qui est comparé? C'est Yaminullah, sa main droite d'Allah. Elle n'est pas ce par quoi elle était comparée, de manière réelle. De manière réelle. Pour cela, lorsqu'on revient à l'explication plus simple d'un savant contemporain pour nous faciliter la compréhension, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit « على هذا فلا يكون الحديث من صفة الله التي أولت إلى معنى يخالف الظاهر فلا تأويل فيه أصلا فتبين بذلك أنه لا حجة للمعطلة في هذه المرويات ونحوها على تعطيل شيء من صفة الله عز وجل أو الرد على أهل السنة في طريقتهم إلى آخر الكلام وذكر ابن القيم ما ييسر فهم المعنى قال وقصد به يعني عبد الله بن عباس بهذا الكلام أن تقبيل الحجر الأسود ومصافحته منزل منزلة تقبيل يمين الله منزلته تقبيل يمين الله عز وجل ومصافحته فهذا حقيقة هذا اللفظ بمعنى tout simplement c'est comme si ce qu'il est dit si Abdallah ibn Abbas qu'il est dit dans son athar si on l'embrasse on la serre c'est comme si dans al-manzila dans le rang et on va dire l'importance de l'action. C'est une comparaison. On va dire c'est une comparaison. Voilà en ce qui concerne l'explication de ce passage. Lakin ala kulli hal, ces explications-là, c'était par rapport au hasard de Abdallah ibn Abbas. Et concernant le hadith, les savants s'accordent pour dire que le hadith n'est pas authentique. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وألي وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم